Commence avec des pompes sur les points, soleil plein enculé. T-shirt, je crois que manque plus que la vue sur la mer enculé. J'hésite entre un verre de Jack ou bien un coca fraise. Ego c'est misère, tes aides non pas pourquoi on t'agresse. Grrr, moitié forza, moitié tahia. Explosif puis la naissance, 9-1-100, ouais paria. Paria, déterminé, tiens la tour comme Dende. Une, deux, banalisé puis t'entends les 22. Arriba, enda, mode survie dans le bendo. Mérité, banco, sa bibi mais c'est pas Kaliman. À travers mes LV, je me sens si bien. Je me souviens quand j'étais rien, quand je survolais les terriens. De titan, billet de 500, j'attends, toi tu peux me détester. J'ai m'écrit pour mieux m'engraisser. Pas pareil que tu pourrais tester. Depuis quand tu végètes à mon gré, tu es tout petit, trop énervé. Tu bifous bien ce beat, si je donne la RV. Ça pétave comme Esco, devant Julie Lesco. Dans la tête y'a l'escroc, dans la tête y'a Rico. Dans le four y'a AT, open la boîte aux lettres. Pas loin du comico, Batman veut me connaître. J'suis dans mon monde, j'ai ma bouée, j'ai ma petite Nax, mon playback sur un cadillon. J'suis ravi que ma haine vous plaise. Ravi qu'on vous baise. Hasta la vista. Hasta la vista. Hasta la vista. On verra. La pauvreté nous manque pas, ces moments peut-être. Encore un ou deux bons malheurs. Allez un peu d'air. Hasta la vista. Hasta la vista. Hasta la vista. On verra. J'suis resté en bas plus tard pour faire plus de moulins. La chaise est restée au fond du hall, moi j'suis plus là. J'regarde le ciel, le soleil caresse mon âme. Grandi dans le peine, on la haisse en basse ton crâne. Enivré. Envie d'être. Envie même. Me libérer. Wesh Kalinta, appelle son Malika. J'tourne, souris pas, être heureux. J'arrive pas. Vite marre. Quand je recompte le butin sur la vie de ton fond de teint. PNL pompant. Tout ça c'est pas ma vie. Pas ma vie. Pas ma vie. Pas ma vie. Je ne veux plus ton cul, je ne veux plus ton cœur. T'es devenu lassante. T'as plus rien de spécial. Devenu banal comme billet de 500. J'suis dans mon monde, j'ai ma bouée, j'ai ma petite Nax, mon playback sur un cadillon. J'suis ravi que ma haine vous plaise. Ravi qu'on vous baise. Hasta la vista. Hasta la vista. Hasta la vista. On verra. La pauvreté nous manque pas, ces moments peut-être. Encore un ou deux bons malheurs. Allez un peu d'air. Hasta la vista. Hasta la vista. Hasta la vista. On verra.